Selon Yonhap News de Corée du Sud, les bellicistes américains et sud-coréens ont livré depuis le 10 au large de Pohang de la province du Gyeongsang du Nord les exercices pour le ravitaillement des matériels de guerre en cas d'urgence de la péninsule coréenne. Dans ces exercices livrés à l'envergure sans précédent, sont mobilisées les forces d'agression plus de 2 fois plus nombreuses par rapport aux années précédentes, notamment les renforts des JEAIS depuis leur territoire, l'île de Guam et du Japon, et les effectifs de l'armée sud-coréenne. Surtout, les Américains y ont introduit la brigade Stryker, force de déploiement rapide.